13h, Ophélie Fontana. Bonjour à toutes et à tous. Ce 24 juin est une date très particulière en Belgique. Il y a 30 ans, Julie et Mélissa disparaissaient. Les deux amies étaient parties se balader à Grasse-Ologne, en région liégeoise, mais elles ne rentreront jamais chez elles. Et sur leur route, elles ont donc croisé cet homme, Marc Dutroux. Il les a enlevées. Ce seront les premières victimes du prédateur et la disparition marquera le début de l'affaire Dutroux. Analyse du 31 juillet 2023 par Thierry Pirlo, Sharp Awen. Dutroux, le chasseur-cueilleur d'enfants. Encore envie de fêter votre famille royale le 21 juillet, de disserter sur la couleur rouge sang de la robe de la gentille Mathilde ou du regard hagard de notre bon roi Dagobert traumatisé dans sa jeunesse, comme son frère Laurent, par des cérémonies initiatiques imposées par cette royauté consanguine dépravée aux ordres de Satan, Baal ou Baphomet. Eh bien, revoici un peu de lecture. Je dis bien « revoici » car je l'ai partagé la première fois en octobre 2020, mais à cette époque, personne n'était prêt à connaître ces vérités-là. J'ai été bloqué un premier mois sur Facebook, puis d'autres ont suivi jusqu'au blocage complet fin 2021. Les gens étaient plus occupés à protéger leur petite vie d'un méchant virus et en 2021 à protéger leurs vacances par un méchant passeport rouge en se faisant injecter une saloperie qu'ils regretteront tôt ou tard. Il s'agissait de 1235 pages du dossier Dutroux, le croque-mitaine, totalement indigeste et à vrai dire insupportable. Vous aurez le PDF ici en descriptif. Descendre dans le terrier du lapin blanc n'est pas donné à tout le monde, mais je m'y suis collée. C'était le seul moyen pour moi de connaître ces sociopathes qui nous dirigent et surtout de bien cerner l'ennemi. Après, pour le reste, ce n'est que ressenti et déduction. C'est appréhender le pédosatanisme des élites, en Belgique, en Hollande, mais aussi en France, et surtout aux USA avec le Pizzagate. Sûrement une conspiration QAnon, n'en pas douter, n'est-ce pas? Bien sûr, le monde n'est plus tout à fait le même lorsque l'on décide de remonter du terrier pour revoir la lumière du soleil. C'est là que l'on réalise qu'il a subitement changé de couleur. Ce n'est plus vraiment la même brillance ni la même chaleur. Le premier réflexe, honnêtement, est de détester le monde entier et ses habitants. Ensuite, on essaie de le comprendre différemment. Et pour terminer, on devient un soldat de Dieu pour combattre ce mal qui le ronge et le mettre à genoux pour sa rédemption. Tout cela après de longues nuits sans sommeil. Mais une fois ce changement opéré, rien n'est plus pareil et plus rien d'autre n'est important. Pas même la famille, les dégâts collatéraux, les moqueries, ni le temps consacré et l'énergie déployée à l'expliquer aux autres, ceux dont on espère qu'ils font encore partie de la vraie humanité, celle qui se réduit comme peau de chagrin. Alors, rien ne vous oblige à plonger à votre tour au fond du terrier, car d'autres l'ont fait à votre place. Mais dans ce cas, écoutez-les et faites-leur confiance, il est grand temps. Ou alors restez en dissonance cognitive, tous comme les normies. La fin de la guerre est proche, mais les vrais soldats ne sont pas fatigués et gardent toujours la ligne. Ensemble, gardons tous cette ligne, car ce qu'ils font à nos enfants n'a absolument rien d'humain, je vous le garantis. À la fin, il n'y aura aucun pardon, aucune pitié de Dieu qui, à cette heure, doit pleurer de toutes ses larmes, cette humanité perdue et transhumanisée. Hold the line, patriots. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Sharp Awen.